Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez RLM. Lee John of Imagination, you're listening to Illusion. RLM. RLM, c'est toujours aussi bon. Bienvenue sur l'antenne de RLM 107.9 et cette fois-ci dans l'émission 120 au compteur, comme tous les mardis soirs de 20h à 22h. Salut, c'est moi, c'est Harry, parce qu'effectivement, on me dit à chaque fois que je me présente pas, mais ça y est, je me suis présenté. Et je vais vous présenter aussi la bande de potes qui est autour de la table. Nous sommes évidemment avec notre chef d'orchestre, hein, celui qui s'occupe de la technique, qui fait du cinéma, qui fait tout. En fait, c'est Sherlock qui est avec nous. Bonsoir Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et comment est-ce que ça va bien? Mais ça va très bien, et toi? Eh ben super, nickel. On a ce soir, évidemment, et vous le savez, comme tous les premiers mardis du mois, Stéphache pour le Défi Mix. Oui, bonsoir. Alors, le Défi Mix, Stéphache. Le Défi Mix, le retour, comme donc chaque premier mardi du mois, comme tu le disais, avec, je ne sais pas, peut-être plus de 700-800 titres. Il y en a plus en plus à chaque fois que tu viens. Oui. Ah oui, parce qu'il y en a qui se rajoutent, effectivement. Moi, dernier, il y en avait 600. Ouais, effectivement, mais c'est vrai qu'il y en a qui s'ajoutent, ouais. Donc... titre des années 80 à aujourd'hui, et donc tirage au sort de 6 titres, et objectif pour moi, les mixer en une seule session. Et donc il y a encore de quoi se faire plaisir et puis avoir de très bonnes surprises, je pense. Ouais, on va s'amuser. Alors on a aussi un invité là, comme ça, un invité mystère. On va faire comme sur d'autres radios, on va lui transformer la voix. On a avec nous Mike. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est ça la voix trafiquée, bah, du coup. Bah, ouais. Alors attends, on va la faire. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors qu'il vient nous faire un petit coucou, bah, ça fait plaisir. Voilà, aussi, et puis puisqu'il vous manque un quatrième pour la belote, donc... Voilà, ça marche, surtout que j'ai pas joué à la belote, mais bon... Donc on va avoir un programme très chargé, évidemment, vous l'avez compris, donc tourné autour du Défi Mix. Il y aura évidemment les sorties Cinoche. Oui, bien sûr. Et il y aura le rétro-ciné. Effectivement, il y aura le rétro-ciné. Tu vas nous parler d'un film de quelle année? De 1992. Ah, exact. Super. Et puis, également, dans le courant de l'émission, on vous parlera d'actualités qui nous concernent. Je vous parlerai évidemment, on vous reparlera donc de cet événement qui aura lieu le 12 mai, donc Rêve de musique à la Grange, puisque la semaine dernière, on avait reçu Mélanie Bonfito et les responsables, oui, de l'association Un Rêve, Une Étoile, et Tout est Possible. On vous parlera aussi d'un concert qui aura lieu à la Blomerie au mois de juin. On vous en reparlera, on vous en avait déjà parlé. Je vous parlerai aussi également pour nos amis artistes d'audition, pour une troupe de spectacle de la région qui est plutôt connue. Donc si vous avez envie de chanter, de danser, je vous parlerai donc d'une audition qui va y avoir lieu donc d'ici quelques semaines. Et puis évidemment un hommage donc à une artiste des années 80 qui avait interprété à l'époque Africa. On fera un hommage évidemment à Rose Laurence qui nous a quitté donc dans la nuit de dimanche à lundi. Donc tout un programme. Ok. Ça c'est de la conclusion, Sherlock. Ok. Disappears, baby, take it over. Everything's so clear. sur la fréquence. Premier sur les hits. Premier sur les hits. RLM, tous les jours. Le meilleur des années 80 à nos jours. RLM. RLM. 107.9 FM. Et à l'instant, on vient juste de s'écouter Fox the Fox avec Precious Little Diamond. J'adore, moi je suis fan. Ah oui. Et donc, alors pour moi, ce n'était pas la version originale, version un peu remixée, mais tu n'as pas de précision, Sherlock. Non, pas du tout. Pas du tout. Ah ouais, non, un peu plus de percussion, j'aurais dit, ouais. C'est vrai. Ouais. D'accord. Bah écoute, si tu le dis, c'est que ça va. Ouais, ouais, ouais. C'est notre... Croyez, ça va. On s'en remet à ton jugement, c'est pas le DJ. Il doit être, alors il doit être dans les... Stéphane, on va l'appeler Musicadia. Pas vrai, non, pas forcément. Ouais, non. Eh ben, tu as la parole, tu la gardes. On va faire un tirage au sort, évidemment. D'ailleurs, il est Fox the Fox. Il est peut-être bien. Il est même certainement dans, ah oui, dans les titres. Qu'il est dedans. Il faudrait vraiment faire exprès pour tomber dessus quand même. Allez, on sait jamais. Eh ben, écoute, on va faire un tirage au sort. On va demander donc à Sherlock de tirer deux titres. Je vais en tirer deux aussi. Tiens, je vais le faire. Alors, je rappelle que c'est donc des années 80 aujourd'hui, donc 40, bon, plus de 40 ans de musique. Hein. Ouais. Donc, il y a de quoi. Bah, il y a de quoi avoir des beaux petits mélanges, je pense. Je compte sur vous pour un tirage au sort sympathique. Mais j'espère bien. Voilà. Et on va demander aussi, bah tiens, à notre guest, notre invité qui est avec nous, Mike, de tirer aussi deux titres au sort. Allez, guest star. Non, j'ai pas dit star. Guest ou quoi. Sherlock, allez, à toi de jouer. Oui. Alors avec Anne Lee et Two Times. Two Times. Je crois que Arnaud Tirard aime beaucoup ce titre. Oui. Il le passe souvent. C'est vrai qu'il le passe assez régulièrement. Oui, et ouais, je pense qu'il l'aime beaucoup. D'ailleurs, oui. On le salue. Hein, donc, vous écoutez tous les matins dans la matinale de 7h à 10h sur l'antenne de RLM, bien évidemment. Et le deuxième titre, c'est Martin Solveig et Dragonette avec Hello. Alors là, alors Hello, par contre, je me... Hello. Hello. Ah oui. Hello. C'est fini. Mike, de ton côté. Alors, The Weeknd et Daft Punk avec Starboy. Oui. Version remixée par Andrei X et Chaparov. Ouais, et là, cette fois-ci, ce sera aussi remixé par Stéphane. Ouais. Et voilà. Oui, parce que version un peu plus péchue par rapport au titre qui est plutôt calme. Hein. Ok. Après, on a une ancienne gagnante de l'Eurovision, Corinne Hermès. Ah oui. Avec Dessine-moi. Elle est sortie à la fin des années 80 de mémoire. Ça va pas être facile. Par contre, là, elle avait gagné avec quoi, en fait, Corinne Hermès, Si la vie est un cadeau. Oui, bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors moi, j'ai Louane. Oula. Louane. Ah, ça va être bien aussi de mixer. Avec Avenir. Ah, remixé aussi, je pense. Ouais. C'est remixé. C'est pas marqué. Alors, au choix. Et ensuite, j'ai Graziella des Mitchell. Oh, magnifique. Pullover. Avec le pullover blanc. Ah oui, années 80, ça. Ah ouais, mais écoute, ça me parle, mais je serai incapable de le chantonner. Si, c'est très bon souvenir, ça. On démarrera peut-être par ça, on verra. Ah bah écoute, ça marche. Ok. Pour être honnête, c'est pas net sur ta planète. dernière sur la fréquence, premier sur les hits, RLM, 107.9 FM. Un titre réclamé sur le mail musical de la radio, contact@rlmradio.com, c'était Jean Schultes avec Va te faire voir. C'était un titre en dédicace pour Arnaud Tirard. Ah bah tiens donc, n'hésitez pas donc effectivement donc à nous envoyer vos dédicaces. Je rappelle aussi qu'on a page Facebook hein, officielle, émission donc 120 au compteur, si vous voulez nous balancer un petit com, ou alors si vous souhaitez qu'on vous fasse une dédicace, on se fera un plaisir de le faire, évidemment, à partir du moment où c'est un titre sympa quoi. Hein, oui bien sûr. Tiens, en parlant d'événements sympas, avant de retrouver donc la première j'ai session... cru que tu allais dire en parlant de Va te faire voir. Non. En parlant donc d'événements, voilà. Pardon, j'ai événements sympas, voilà. Et avant de retrouver donc effectivement la première session du défi mix de notre ami Stéphache avec un tirage au sort pas piqué des hannetons, comme nous dirait notre ami Flipcat. je vous rappelle effectivement la semaine dernière. Nous avions reçu à cet effet l'association Un rêve, une étoile et tout est possible, qui organise donc un repas spectacle qui s'intitule Rêve de musique. C'est le 12 mai donc 2018 à partir de 19h à la salle de la Grange à Boucron, c'est à deux pas d'ici. Et donc vous avez un repas, donc un buffet campagnard, mais surtout un spectacle sur lequel vont se produire trois artistes, dont un que vous avez eu l'occasion de connaître ou de réentendre donc la semaine dernière, c'était Mélanie Bonfito, oui, qui était venue présenter donc la soirée. Il y a Fabrizio Zeva aussi qui sera là, également, qu'on adore, et Bruno Djaran. Donc c'est une soirée prometteuse, à mon avis vous allez passer un très très bon moment, vous allez bien manger, vous allez écouter de la bonne musique et surtout écouter de très très bons chanteurs. Donc je vous rappelle, c'est le 12 mai 2018, donc à partir de 19h, salle Lagrange. Si vous voulez plus d'infos, hein, vous allez sur Facebook et vous tapez donc un rêve, une étoile, et vous allez retrouver l'association, toutes les infos, les tarifs et comment réserver. Donc voilà, Stéphache, are you ready my friend? Alors je viens dire un petit mot. C'est tout juste, mais oui, je suis prêt. Ouais. On va démarrer avec le pullover blanc. Ah ouais, ça va te rappeler forcément des souvenirs. Il est connu ce titre. Ah oui. Énorme succès à l'époque. Oui. Ah ouais, non, bah écoute. Ah si, tu vas reconnaître ça tout de suite. Ouais. Ok. Ah ouais, je pense que même dès les premières notes. Et tu connais la différence entre un. Qu'est-ce qu'il Non, on va pas la faire. Non. Il est pas 22h, on va éviter. Non, là, ce n'est pas ça. Ok. On est parti. Ouais, c'est parti, tu peux. in your good shoes. Let me point to just to hurt you. All red lamps to squeeze you. None of these toys on these two. Made your whole year in a week too. Game bitch out of your league too. Side bitch out of your league too. I'm so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from Ebony. Cut that out into skinny pieces. Let you get up with a face while I'm a beat. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my star, like the Kimmy Lays. Switch out my core, fuck him anything. My mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Now she clean up with her face when I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my saw, like to get any labor. Switch out my coat, I'll kill anything. Et c'est le défi mix, wow. Ça fait plaisir hein, yeah. Sur RLM. Ouais, ouais, alors c'est de tout. Hein. Il y a vraiment, on passe du Corinne Hermès à Weekend. Waouh, wow, c'est et chaud, donc, pullover blanc, tu as reconnu. Oui, Godzilla de Michel. Ouais. Mais par contre, c'est le seul titre qu'elle a dû faire parce qu'elle en a fait d'autres ou. Sans doute fait d'autres, mais de là à dire qu'ils ont été édités ou qu'ils soient passés en radio, c'est une autre histoire. Ouais, d'accord, oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais en tout cas, super session. Hein, oui, honnêtement. Merci. Et d'ailleurs, on appelle aux auditeurs hein, si ça nous si vous trouvez que c'est nul, appelez-nous. Oui, voilà, absolument. Non, surtout, stop ou encore, non, c'est pas la même radio. Mais faites-nous parvenir vos coms hein, sur notre page Facebook, émission 120 au compteur sur Facebook. Et puis bah, pour nous dire si vous avez aimé la première session ou pas. Et ça m'éclaterait que vous nous disiez que bah merde. On arrête tout de suite. On arrête. Donc Stéphane, je vous l'avais compris, hein, est un DJ émérite. Alors j'ai oui dire. Qu'on allait te retrouver samedi prochain dans un dance floor. Enfin, je sais pas, il faut que tu nous en parles. Oui, samedi prochain. Moi, vous aurez l'occasion de me voir à l'œuvre du côté du Lagon Bleu à Neuilly-les-Mines. Ouais. Du côté de Neuilly-les-Mines au Lagon Bleu, tu vas dire. J'ai dit du côté du Lagon Bleu à Neuilly-les-Mines. Ouais, bah c'est ça. Ouais, moi j'aurais dit à Neuilly-les-Mines du côté du Lagon Bleu. Non, du côté de Neuilly-les-Mines. Enfin là-bas, quoi. Ouais, il paraît que c'est un super complexe. J'y suis jamais allé. Moi, je vous conseille fortement. Ouais, c'est très bien. C'est très très bien. Il y a un certain Arnaud Tirard, je sais pas un nom oui, qu'on a déjà cité en antenne. Ouais, qui mixe régulièrement là-bas, je pense, au Lagon Bleu. Qui est résident là-bas. Et qui est résident, donc voilà. On va dire arrêtez de parler de moi. C'est vrai. Sherlock. Elle a des bottes extensibles et une ceinture inoxydable. Une mini-jupe amovible et un t-shirt biodégradable. Elle a un short réversible et des fossiles interchangeables. Un bikini insubmersible et une veste en simili véritable. C'est ma poupée, mon joujou préféré, 100% matière synthétique. Ma poupée psychique. musique. On a des potes du caisse authentique. C'est ma poupée psyché, ma poupée psyché. Les fusibles, elle est entièrement programmable. Ses circuits sont infaillibles. C'est ma poupée formidable, c'est mon joujou terrible. C'est ma poupée, mon joujou préféré. 100% matière synthétique. C'est ma poupée psychée. Ma poupée psychée. Spécimen rare, chef d'œuvre unique. Mode à l'époque du caisse authentique. C'est ma poupée psychée, ma poupée psychée. Elle est née dans un drugstore, elle suce son pouce quand elle s'endort. Elle collectionne les fleurs en plastique qu'elle cueille dans les champs magnétiques. Elle est née en mai 68, elle s'habille à Carnaby Street. Et oui, donc toujours dans l'émission 120 au compteur, comme tous les mardis soirs, donc de 20h à 22h, avec ce soir évidemment Stéphane. Oui, bonsoir. Avec Sherlock, l'indécrotable. Oui, j'adore ce nom, l'indécrotable. Mais oui, non, mais parce qu'on peut faire sans toi, on peut pas faire sans toi, tu oui, vois. Oui, dire. C'est vrai. Et puis avec notre guest Mike qui est là, qui vient de temps en temps, là, comme ça, pour faire un petit coucou. Voilà, tout à fait. Et juste pour dire, ouais, Sherlock qui nous a sorti un Cherry Hazard de... Ouais, c'est vrai. Ça date de quoi? Fin des années 80, non? Non, c'était les 90. Années 90. J'aurais dit 90 pile même. C'est de... Exactement, ouais, 90 pile, exact. 90 pile, c'est ça. Ouais. Ça remonte quand même, hein? Ouais, carrément. Mais bon, il a été plus connu quand même pour le jerk. Hein. C'est oui, celui qui l'a vraiment lancé. Il en a fait d'autres, hein, quand même. Ouais, après, absolument. Hein. Alors là, j'entends évidemment en fond musical un titre que tout le monde connaît, bien évidemment. Et vous avez appris malheureusement une la voix, nouvelle. Que tout le monde connaît. C'était une belle voix que tout le monde connaît. Ça s'est passé, ça a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Et bien, Rose Laurence nous a quittés. Oui. D'une longue maladie. Alors, Rose Laurence, évidemment, vous la connaissiez avec ce titre Africa qui était sorti, je vous le rappelle, en 1982. Pour la petite info, il est sorti à 1 million d'exemplaires, rien que ça. Oui, oui, donc c'était vraiment son succès. Mais vous saviez que elle avait démarré en fait dans une comédie musicale qui était Les Misérables, qui avait été écrite en partie par Schoenberg. Et dans Les Misérables, elle jouait donc le rôle de Fantine. Et elle chantait cette fameuse chanson qu'a reprise Susan Boyle en anglais. I Dream a Dream. Oui, voilà, oui, oui, oui, oui. Et donc elle chantait en français Je rêve un rêve. Et c'est là qu'elle était découverte donc dans la comédie musicale donc Les Misérables. Elle a poursuivi sa carrière évidemment un peu. Il y a eu un passage à vide pendant quelques années. Puis on l'a retrouvée ensuite dans une comédie musicale qui s'appelait L'ombre d'un géant. Donc L'ombre d'un géant qui a été écrite par François Valéry. Mm-hmm. Malheureusement, alors c'était en 2000, si ma mémoire est bonne, je crois que c'était en 2006. En 2002. Donc L'ombre d'un géant. Et malheureusement, la comédie musicale n'a pas pu perdurer. François Valéry a eu quelques problèmes avec les banques. Et donc la comédie musicale s'est arrêtée au bout de deux représentations. Moi j'avais à l'époque acheté l'album et sincèrement c'était fort sympa. Donc moi ce que je vous propose justement là, c'est de découvrir. Alors, du coup c'est un de ses derniers titres, titre qui est tiré donc de la comédie musicale L'ombre d'un géant. C'est Pour aimer plus fort. Alors elle chante pas toute seule, vous allez quand même reconnaître sa voix. Elle chante aussi avec Anna H et Sophie Delmas. Alors Sophie Delmas, ça me parle. Je pense qu'elle a fait d'autres titres après, mais j'ai pas été un peu plus dans l'information. Mais juste pour rendre hommage évidemment donc à Rose Laurence, et ben écoutons justement Pour aimer plus fort, donc tiré de la comédie musicale L'ombre d'un géant. Thank you. Toute la musique que vous aimez, c'est sur RLM. Donc hommage évidemment donc à Rose Laurence, alors, avec un titre que vous connaissez peut-être beaucoup moins que Africa ou Mami Yoko bien évidemment, donc c'était pour aimer plus fort, donc tiré je vous le rappelle donc de la comédie musicale L'ombre d'un géant en 2002. Donc comédie musicale qui malheureusement n'a pas pu perdurer. Ceci dit, je vous invite à écouter l'album parce qu'il y a des superbes chansons à l'intérieur. Mmh. On peut encore le trouver maintenant dans les bacs à des prix très raisonnables forcément. J'avais oublié de vous dire aussi que son dernier album date de 2016. Son album s'intitule ADN et il a été écrit par Pierre Palmade. Rien que ça. Oui, voilà. Donc petit hommage à Rose Laurence qui va nous manquer quand même. Oui. Parce que moi j'aimais beaucoup son grain de voix. Et puis on entendra encore un titre, hein. Je pense que tu nous as pris un titre pour la soirée. Bah pour se quitter, je mettrai un titre. Mais elle avait beaucoup d'humour. Moi je l'avais vu donc c'était un concert estival. Ouais. Et elle était arrivée en disant qu'elle était complètement myope. Elle nous avait dit, donc je sais pas si vous êtes 3000 ou si vous êtes 20, elle fait si vous êtes 20, par contre criez comme si vous étiez 3000, c'est parce que je vous vois pas du tout. Nickel. Donc, mais au moins elle était pas de dos parce que. Non. Non, non. Bon, eh bien écoute, je pense que c'est le moment de la deuxième session de notre ami Stéphane, donc on va tirer au sort deux titres chacun. Mike. À toi de jouer. Oui, alors deux titres des années 90. On va commencer par Sheryl Crow avec All I Wanna Do. Ah oui. Ah ouais. All I Wanna Do. Très bon, mais très bon, mais ça se mixe pas. Oui, oui, oui. C'est ça, j'allais dire ça. Ouais, country. Ouais. Bah, il va falloir. Et ensuite, alors de son vrai nom de mémoire, ça s'appelle Yoti Mishra. Donc c'était mieux de prendre un pseudo. Il a pris White Town comme pseudo. Ouais. Et ça s'appelait Your Woman, son seul et unique succès. Et ça fait quoi? I could never be your woman. Ah oui, ouais, d'accord. I could never be your woman. Ouais. Ça aussi, je vais m'amuser. Ouais. Ah, ça, dis donc, mon Est-ce que tu as déjà pensé à passer le concours au karaoké? Tout à fait. Et l'idée m'est aussi vite sortie de la tête. Pour être dans les casseroles, par contre. T'as eu tort, quand même. Stéphane, allez, à toi de jouer. Alors, moi, j'ai deux titres aussi. C'est. Comment on va dire ça? Folklorique. Oui. The Bell Stars avec Sign of the Times. Ah si, c'est bien, moi j'aime bien. Oui. Mais alors à mixer Ouais. Bah c'est ça, c'est que là je vais m'amuser. Oui. Et ensuite j'ai Jennifer avec Sur le fil. Oh là là. Jennifer, oh là là, ok. Il va nous le chantonner sur le fil? Non. C'est clair. Alors j'adore le chanteur Lenny Kravitz. Par contre le titre Dancing Till Dawn. Ah ouais non. Ah c'est un de ses derniers, je crois. Ça me parle moins. Dancing. Eh ben, Dancing. Je ne sais pas si c'est pas l'un des derniers qui est sorti peut-être en 2017. Peut-être. Je sais qu'il est revenu avec un titre. Alliance Ethnique avec Simple et Fun. Waouh. Oui, je pense qu'ils reviennent, si ma mémoire est bonne. C'est possible. Alliance Ethnique reviennent avec un nouvel album. Donc ça j'adorais. Avec Kamel. Ouais. On va essayer de placer tout ça, mais comment, je ne sais pas. Je reviens dans une demi-heure. Bon courage. Non, tu reviens d'ici 4 minutes. Voilà. Allez, c'est parti. I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Situation they got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the shake, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set, tripping, banging. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23, never will I live to see 24. The way things are going, I don't know. Tell me, why are we so blind? And the power, minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking. What's going on in the kitchen? But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. C'était donc Coolio featuring Elvi avec Gangsta's Paradise. C'est tiré du film avec Michel Pfeiffer. Oui. C'était Esprit Rebelle. Mmh, exactement. Ouais. Alors ben, en parlant de rebelle, Stéphane. Le DJ rebelle. Est-ce que tu as eu le temps de te préparer pour la deuxième session du défi Mix? 4 minutes, je suis prêt quand même. Ouais, ah, quand même balèze. Écoute, on va ranger ça. Alors pour ceux qui viennent de rejoindre l'antenne de RLM 107.9, je le rappelle-nous un peu le principe du défi Mix, puis si on le connaît pas encore. Alors le principe, c'est que vous avez tiré au sort 6 titres parmi, entre 700 et 800 titres des années 80 à aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on va mélanger les époques, les styles de musique, et donc ça va être assez folklorique. Et je vais essayer de faire donc une seule session avec ces 6 titres, mais ça va démarrer plutôt tranquillement. Ah ouais, on démarre et, avec quoi Bonne question. Je crois que tu t'étais préparé. Je sais pas par quoi je vais commencer, mais ce sera tranquille. Ah oui, d'accord. On va démarrer par White Tone. Oui. Ok. Your Woman. Tranquille. Oui. Et de Lenny Kravitz qui sera juste derrière, je pense. Ouais. Et donc voilà, c'est un titre récent lors de Lenny Kravitz ou pas? C'est une bonne question, merci d'avoir Ok. Bon. Vous allez découvrir tout ça dans quelques instants. Eh ben ça marche. Ok, ben c'est parti. Bon, on t'écoute alors. Ah ben, on oui, va ben essayer.

Nous sommes de retour sur l'antenne de RLM 107.9 FM dans l'émission 120 au compteur. C'était donc le défi mix de Stéphache. Bah écoute, c'était sur le fil ce défi mix, hein, on peut le dire. Hein. Oh, bravo, parce que c'était quand, même, c'était quand même tendu. merci pour votre tirage au sort. Non mais bien, sympa. Et l'avantage aussi, c'est qu'on redécouvre des titres qu'on connaissait, mais qu'on avait un peu zappé dans notre mémoire et des titres qu'on peut ressortir justement même en soirée parce que franchement, c'est parce qu'on n'y pense pas forcément. Mais justement, ça peut faire plaisir aussi de se réentendre des titres qui ont maintenant plus de 20 ans. Alors, après notre musique-édia, on va avoir notre ciné-édia, parce qu'effectivement, Sherlock, maintenant, va nous parler d'un film de 1992. Allez, vas-y. Et oui, et plus précisément d'un film qui est sorti le 28 octobre 1992, donc 1992, hein, pour les Français qui nous écoutent. C'est un film de Pénélope Sphiris et la musique est de G. Peter Robinson. Pour l'instant, ça ne vous dit rien, j'en suis sûr. Le film a fait. Si, si, sans doute. D'accord, bon. Bah, elle en a pas réalisé 50, je crois. Donc, d'accord, bon. Alors, le film. Il n'y en a pas beaucoup qui en ont réalisé 50 aussi, hein, probablement. Ouais. Alors, le film a fait 761 960 entrées au box-office français, a quand même récolté deux prix, dont un MTV Awards et un Brit Awards, et a eu deux nominations, aux MTV Awards. D'accord. Alors, je vais vous passer un premier titre qui va peut-être vous mettre sur la voie. Ça, je ne sais pas, mais c'est celui-ci. Alors, il n'est pas du tout 80 ou 90. Écoutez bien, c'est celui-ci. Jimmy, c'est ça. C'en est. Effectivement, c'est du Jimi Hendrix et c'est Foxy Lady. Alors, est-ce que ça vous donne un petit indice? Ça confirme. D'accord. Ouais. Bon, bah, je me doute. Mets-nous sur la piste, hein, si tu veux, Mike. N'hésite pas, oui. Bah, qu'est-ce qu'on peut dire? Qui c'est le numéro 2 de mémoire? Il y a eu un numéro 1 dessus. Non, ça c'est le premier. C'est le premier, celui-là. C'est le premier. Autant pour moi. D'accord. Oui, effectivement, qu'est-ce ça c'est le premier. Il y a eu un numéro 2. Alors, est-ce que le titre est en anglais? Oui. Oui, d'accord. Bah, je vois ce que c'est. Le titre est complètement en anglais. Ouais. Ça me parle aussi, ouais. D'accord. Bon, bah, je vais peut-être vous passer un extrait de film tout de suite. C'est un extrait de dialogue. Écoutez bien, c'est celui-ci. Tu viens à Milwaukee souvent? Je suis un visiteur assidu, mais Milwaukee a eu son compte de visiteurs. Des missionnaires et explorateurs français venaient fin XVIIe siècle troquer avec les Indiens. Au fait, Milwaukee, c'est indien comme nom? Oui, Pete. Ça se prononce Milwaukee. Ça signifie en algonquin la bonne terre. Figure-toi que j'en savais rien. On va vous laisser, hein? Non, restez, discutons. Ah, cool, d'accord, on reste ici, on va discuter avec vous, avec Alice Cooper. On mérite pas! On mérite pas! On est tout petit! On est à chier! Oh. Ah, alors oui. Alors, si, est-ce que ça a un rapport avec Austin Powers? Oui, effectivement, ça a un rapport avec Austin Powers. On peut... Oui. Non. Non, ce qu'on pourrait donner comme indice, c'est un célèbre groupe d'humoristes français qui a fait la traduction française. Oui. Ah bon, ça je sais pas. J'en parlerai dans les anecdotes. Je vais vous passer tout de suite le deuxième extrait de dialogue, c'est celui-ci. Ron, tu es l'inventeur de la suscut, c'est bien ça? Et en quoi consiste la suscut exactement? Une révolution dans le domaine de la coiffure à domicile. Waouh! Quelle insolite, surprenante et excellente découverte! Je suis bien d'accord. Ok, dis-moi Ron, une question cruciale pour nos téléspectateurs. Comment ça marche? Si vous me permettez, je suis prêt à en faire une démonstration. Ok, Garth, tu restes où t'es, il va te mettre son truc sur le melon, ok? Je vais pas ressembler à un para, me rase pas, hein. Peux-tu nous donner son principe de fonctionnement? Oui. Et comme son nom l'indique, ça suce et ça coupe. Dommage que ça coupe. Voilà. Donc, oui. Vous entendez les dialogues savoureux, hein, n'est-ce pas? C'est ça. Il y a même un dialogue où il fait chouing. Oui, effectivement, ça je l'ai pas mis. Un jour elle sera mienne. Oh oui. Un jour elle sera mienne. Elle va brûler les yeux aussi. Voilà. C'est ça, j'ai tombé mon stylo. Avant d'être un film, c'était un personnage dans une émission de télé. Oui, justement, j'y reviendrai juste après. Donc cette coupure musicale, c'est avec Queen. Ah oui, Bohemian Rhapsody. Ah bah oui, absolument. Dans le film, et oui, et une scène mythique. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Doesn't really matter to me. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Magnifico. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Never let me go! No. Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. C'est trop bon, c'est un titre qui est excellent. Ah, là, là. Il est sorti en 75. Mmh. Ah ouais, ouais, bah oui, il date. Hein. Alors donc, effectivement, c'est un film que je pense vous avez tous reconnu. C'est bon, je vais vous donner un petit peu le pitch du film. Ça se passe dans la banlieue de Chicago, c'est exactement à Aurora, dans l'Illinois. C'est Wayne Campbell et Garth Algar qui animent une émission depuis le sous-sol de leurs parents. Benjamin Kane, producteur d'une chaîne TV locale, tombe sur leur programme et les engage. En réalité, pour servir les intérêts marketing de Noah Vanderhoff, propriétaire de bornes d'arcade. Parallèlement, Wayne rencontre Cassandra, bassiste d'un groupe de hard rock dont il tombe amoureux. Mais il va devoir se confronter à Benjamin qui semble lui aussi être intéressé par la jeune femme et avoir ses propres idées quant à l'émission. Oui. Bah, et donc, le titre, c'est donc... Wayne's World. Effectivement, Wayne's World, méga tough. Alors donc oui, effectivement, ça c'est la première apparition de Mike Myers au cinéma. Il sera par la suite connu avec la saga Austin Powers. Oui. Le film est adapté d'une série de sketchs de Saturday Night Live diffusée dans l'émission dès 1988. Toujours avec Mike Myers. Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais. Alors les photos de Wayne et Garth qu'on peut apercevoir dans la chambre de ce dernier proviennent du coup de ces numéros qui étaient faits à la télé. Doté d'un budget de 20 millions de dollars, donc ce qui est très peu. J'allais dire waouh. Non, pour le cinéma, c'est vraiment très peu. Ah ouais. Donc le film a rapporté plus de 180 millions à travers le monde et plus de 120 rien qu'aux USA. Chiffres qui lui permirent de figurer dans le top 10 monde et US de l'année 92. Il s'agit du film tiré d'un sketch du Saturday Night Live le plus lucratif, loin devant les Blues Brothers. Mmh. Qui ah, est sorti en 92, je crois, les Blues Brothers. Ouais. La version française donc des dialogues du film est l'œuvre de Dominique Farrugia et Alain Chabat, pour qui le Saturday Night Live fut une source d'inspiration explicite. D'accord. Lesquels nuls allaient sortir 2 ans plus tard La Cité de la Peur, tout aussi riche en répliques cultes. Ouais, alors donc c'est eux qui ont fait le, c'est pas la traduction, mais ils ont fait l'adaptation, puisque oui, c'est ça. Ils ont fait l'adaptation parce que oui, effectivement, il y a des choses qu'on retrouve dans la version française qui ne sont pas dans la version américaine. Bien sûr. Et quand Wayne fait ouvrir la fenêtre d'une voiture qui est à côté d'eux dans la rue et qui lui fait je vous verrai bien en Flatuno, ça il connaissait pas, je pense, la Flatuno. Et puis c'est une référence à une pub française. Oui, plus. Bah oui, forcément. Oui, absolument. Alors donc Tia Carrère, donc qui est aussi connue pour son rôle de Sidney Fox, interprète elle-même les chansons que chante son personnage, et ses reprises figurent sur la bande originale du film. Autre acteur à avoir réellement fait valoir ses talents musicaux dans le film, Dana Carvey, qui n'a pas eu besoin d'être doublée pour jouer de la batterie dans la scène du magasin de musique. Et d'ailleurs, parmi les guests du film, on retrouve par ailleurs Meat Loaf en videur, Alice Cooper et ses musiciens qu'on a entendus dans l'extrait, et ce dernier joue donc son propre rôle. Son propre rôle, ouais. Alors, il faut savoir que dans la version qui est sortie en salle aux États-Unis, lorsque Wayne essaie la guitare de ses rêves, donc c'est une Fender Stratocaster de je ne sais plus quelle année, il joue les toutes premières notes de Stairway to Heaven avant que le vendeur ne l'arrête en lui montrant un panneau No Stairway. Pour la sortie, c'est ça la feinte. Ouais. C'est ça. Ouais, d'accord. Et donc pour la sortie internationale et les versions VHS et DVD, c'est un riff qui s'en rapproche qu'on peut entendre. Le simple fait de jouer quelques notes de la chanson de Led Zeppelin nécessitait l'accord du groupe que n'avait pas la production du film. Donc No Stairway to Heaven, c'est clair. Voilà. Ok. Grâce à la sortie du film, le titre de Bohemian Rhapsody de Queen atteignit la 2e place des charts aux États-Unis, tandis que la bande originale du film se classait numéro 1. Une sorte d'hommage au leader du groupe britannique Freddie Mercury, qui était disparu quelques mois auparavant. Le succès du film donna naissance donc l'année suivante à une suite, Wayne's World 2, qui ne connut pas le même sort. Tourné pour 40 millions de dollars, soit le double du premier, il rapporta tout juste 48 millions aux États-Unis, soit presque 3 fois moins que son prédécesseur. Le casting comptait pourtant quelques célèbres invités. Il y avait Christopher Walken, Drew Barrymore, Kim Basinger, Charlton Heston, le groupe Aerosmith ou encore Heather Locklear. Ah ouais, là, celle qui vieillit jamais là. C'est ça. Et donc enfin, donc un numéro 3 a été évoqué et a pris un peu de consistance même en 2012, lorsque la rumeur s'est propagée sur plusieurs sites US qu'un scénario aurait été bouclé. Le projet était supposé entrer en production dans les mois suivants, avec Mike Myers et Dana Carvey dans leur propre rôle. Et Mike Myers a lui-même rapidement démenti la rumeur, expliquant qu'il n'y aurait pas de numéro 3. Voilà, donc pour ceux qui attendent un numéro 3, bah faites-vous une idée. Regardez le numéro 1, le 2. Voilà. Alors oui, effectivement, je pense que c'est générationnel. Hein. On en parlait hors antenne. Je ne sais pas si ça fonctionnerait encore autant maintenant. Parce qu'on a encore des... c'est pas des Saturday Night Live, mais c'est des late shows ou des choses comme ça. Oui, enfin, mais c'est du humour captatif. Peut-être. Peut-être, oui. Oui, c'est oui, simplement ça, oui. On garde vite l'antenne, parce qu'on va on a tiré au sort la prochaine session du Défi Mix. Ils vont faire travailler, ça y est. Allez, on va commencer par une invitée surprise qui est Oxylane, qui est avec nous et qui va nous donner donc les premiers titres, donc les deux premiers titres de la donc troisième session de Défi Mix. Approche-toi bien du micro. Alors il y a Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Ah bah là tu peux chanter. D'accord. Mike, on va en donner. Oui, oui. On va en donner. Before you go, go. Ils sont beaux les deux. Hein. Oui. Téléphone de et Cendrillon de téléphone. Oh, ah bah ouais. Magnifique. Bah, tu peux le chanter aussi ça. Bon, pas confondre avec Cendrier. Oui, qui était sorti des billes au fond. D'accord. Ok. J'allais confondre. Tiens, c'est bizarre. Alors moi j'ai Men at Work avec Who Can It Be Now. Oui, très bon. Alors je connaissais ce titre, mais alors incapable Who de can chanter. It be now. Da, da, da. Okay, voilà, ça c'est va. Ça. Ok, alors par contre, là, je sais pas si c'est français ou si c'est anglophone, mais je crois que c'est anglophone. Hein. The Gate Décor avec Passion. Passion, c'est ça? Donc c'est anglophone. Ça ne se chante pas. D'accord, ça s'écoute. C'est un instru, okay. Oui, d'accord. Okay, ça marche. Alors, un petit peu plus funk, Shalamar, A Night to Remember. Ah, ouais. Bien. Get Ready. Ouais. Et ensuite, alors, Kenny Hawkes et Louis Carver avec Play the Game. Play the Game, j'adore. Oui, je vois pas du tout non plus. Bon, okay. Écoute, là tu as deux titres pour essayer de mixer tout ça. Je vais repartir avec un petit titre qui était également dans Wayne's World, c'est Ugly Kid Joe avec Everything About You. Oui. Et je vous laisse la surprise pour le suivant. Ça marche. FM. Del sol où il y a plus de Belges que d'Espagnols, où il y a plus de Léonidas et de Bata que de Gambas. On ira tous, à Torre Molinos, tous, à Torre Molinos, tous, à Torre Molinos, tous, à Torre Molinos. Même quand il pleut, c'est génial, on sait poster des cartes postales, ou boire un godet à l'amical, des amis du camping municipal, avec Suner, c'est super, avec Ertour, c'est l'aller et le retour, avec Neckermann, c'est génial, avec nouvelles frontières, c'est pas cher. On ira tous, à Torre Molinos, tous, à Torre Molinos, tous, à Torre Molinos, tous, à Torre Molinos. Torre Molinos, c'est le paradis. Je crois bien que je vais mourir ici. Et quand je serai mort, je veux qu'on m'enterre à Torre Molinos, son cimetière. On ira tous, à Torre Molinos, tous, à Torre Molinos, tous, à Torre Molinos, tous, à Torre Molinos, tous, à Torre Molinos, tous, à Torre Molinos. Bonjour, c'est Jean-Luc Fong de Stella et vous écoutez RLM à la radio. Ça sert à rien que je vous dise la fréquence parce que s'ils l'écoutent, c'est qu'ils ont la bonne fréquence, tu comprends? Donc je vous dis pas la fréquence, vous n'avez qu'à regarder sur votre poste. RLM 107.9 FM. Ah, ça a toujours été un plaisir parce qu'on a eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois, Jean-Luc Fonck du groupe Stella, évidemment, donc groupe belge, Torre Molinos. Ça fait plaisir parce que je crois que c'est la première fois, en tout cas dans l'émission 120 au compteur, qu'on passe ce titre-là. Il y en a d'autres, évidemment, on se gênera pas peut-être à l'avenir pour en passer d'autres. Alors il y en a d'autres qui sont peut-être un peu moins passables. Oui, effectivement. Comme Dracula, par exemple, je suis pas sûr que... quoi qu'il est très court. Ouais, enfin bon. Il est très court. Bon, avant de retrouver donc la troisième session de notre ami Stéphache, donc petite info, je vous l'avais dit hein, lors du sommaire de l'émission, vous connaissez la troupe Évasion de Waterloo, j'imagine, peut-être, ou pas. Oui. Donc c'est une troupe hein, qui existe depuis plus de 35 ans maintenant, et qui tourne dans toute la région, et même au-delà de la région avec de nombreux spectacles, donc un spectacle tout au long de l'année, puis aussi des spectacles de Noël. Et donc ils ont lancé donc un casting, une audition pour vous messieurs essentiellement. Ah oui, pas de dames, oui, voilà, donc il y a suffisamment de danseurs et de danseuses pardon et de chanteuses, et on recherche donc la troupe Évasion recherche des chanteurs, comédiens, danseurs. Donc si vous avez envie de fouler les scènes de la région, et on fait des théâtres type théâtre Sébastopol, on fait également les Zénith aussi également, donc ah oui quand même, ouais, donc n'hésitez pas. Donc si vous voulez plus d'informations et si vous voulez postuler, eh bien il suffit d'aller sur la page Facebook Troupe Évasion Spectacle. Donc Évasion, hein, comme ça se prononce, les spectacles comme ça s'écrit. Et vous verrez donc... très joli. Voilà, ouais, c'est bon. Voilà, et puis donc vous verrez les conditions, les dates, donc n'hésitez pas à postuler hein, si vous avez l'âme d'un chanteur, l'âme d'un comédien. Faut pas forcément être extrêmement talentueux, ça s'apprend aussi, donc n'hésitez pas. Donc voilà, en parlant de talent, Stéphache. Oui, alors là vous avez fait très très fort pour ce dernier tirage au sort, et je ne sais toujours pas trop comment je vais m'en sortir, parce qu'on a vraiment une... On est au niveau de l'extrémité, hein. Je pense au niveau des tempos, ça va être du simple double, on peut le dire quasiment. Donc, ouais. Tu sais quoi, tant mieux. Donc si ça va être quelque chose de terrible, je pense. D'ailleurs, Charlotte, tu peux déjà monter la piste mix, comme ça, ça démarre tout seul en fait. Ah ouais, Chalamar. Voilà, ça me permet juste de quitter le micro et de rejoindre la console. À toi de jouer. Allez, c'est parti. Gonna make this a night to remember. Get ready, tonight. Gonna make this a the bug into my brain. Goes a bang, bang, bang till my feet do the same. But something's wrong, something ain't right. My best friend told me what you did last night. You left me sleeping in my bed. I was dreaming, but I should have been with you instead. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go, go. I don't wanna miss it when you hit that. Call me, call me, call me. Cendrillon pour ses 20 ans et la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc. Elle oublie le temps dans ce palais d'argent. Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle ferme les yeux et dans ses rêves. Souffrir avec ce défi mix à l'arrache hein, quand même hein, beaucoup de mix à l'arrache quand même je trouve merci pour la variation de BPM hein, donc des battements par minute très bien sorti. Et d'ailleurs si vous voulez le voir en vidéo je me suis permis de le filmer et c'est sur la page oui. Donc 120 au compteur, vous verrez Stéphane un peu comment il s'éclate. Vous m'avez fait souffrir je suis épuisé mal. C'est très bien, moi j'ai bien aimé. Très bon, j'ai bien aimé. Alors bon, moi je vais passer du coq à l'âne. Non, c'est vrai que c'est à 20 normalement, mais c'est pas grave. Donc je vais vous parler sur le chiffon rouge. Je vais vous parler donc des sorties cinéma pour la Belgique pour demain avec un film d'animation qui sort qui s'appelle Tad et le secret du roi Midas. Dans les acteurs qui font les doublages français, il y a notamment Eric Judor. Et c'est un film de Enrique Gatto et ça sort en France le 16 mai. Donc c'est Tad l'explorateur qui part à Las Vegas pour voir la dernière découverte de son amie Sarah, intrépide et charmante archéologue. Elle a trouvé l'un des trois anneaux d'or appartenant au collier du roi Midas. Selon la légende, le détenteur du collier a le pouvoir de transformer tout ce qu'il touche en or. Lors de la présentation au public, tout bascule, l'infâme Jack Rackham et sa bande volent le joyau et kidnappent Sarah. Pour retrouver son ami, Tad se lance dans une folle aventure autour du globe avec ses inséparables compagnons, la momie, Belzoni, le perroquet et son chien Jeff. Ils ne sont pas au bout de leur surprise. Donc c'est un deuxième épisode, il y avait Tad l'explorateur qui était déjà sorti il y a de ça, je pense un an et demi ou deux ans. C'est un film d'animation espagnol. Comme quoi les studios espagnols font aussi des bons films parce qu'il était vraiment pas mal le premier. Alors en parlant d'espagnol, il y a Gringo. Alors c'est pas Gringo les bottons café. C'est mais tu piques ma vanne, je te demande si c'était sûr le café. Eh ben non. Donc c'est avec Joel Edgerton, Charlize Theron et David Aiello. C'est un film de Nash Edgerton, ça sort en France le 9 mai. C'est donc Harold qui est un cadre moyen, travailleur mais sous-évalué, qui apprend qu'il va être licencié. Pendant un voyage d'affaires au Mexique, il décide de mettre en scène son propre kidnapping afin d'obtenir une rançon de son entreprise. Lorsque les patrons cupides et sans cœur de Harold découvrent que l'assurance de l'entreprise leur apporte plus d'argent si Harold est mort, les rôles s'inversent et Harold, désemparé, se retrouve traqué par des tueurs à gages et des barons de la drogue. Ouais, moi c'est... Oui, ça a l'air sympa. Voilà, et bon, on se retrouve tout de suite pour les sorties ciné en France. Ça marche. Just like like no man. I play my lonely song, cause like no man. I play to get along, I got my own style, you got your own style. I got my own style, you got your own style. Oh, oh. So, ombre du cimetière, dans l'allée tout au fond, à six pieds sous terre. À deux on se morfond, moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. Existe-t-il un autre style? J'avais mon style, toi t'avais ton style. So, écoute. Moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. Poussière tous les deux, poussière tous les deux. Poussière tous les deux, poussière tous les deux. Existe-t-il un autre style? Avec la deuxième partie des sorties ciné, donc là c'est les sorties ciné pour la France, avec un film qui devrait plaire peut-être à Harry, c'est Action ou Vérité, c'est avec Lucy Hale qui jouait dans Pretty Little Liars, Tyler Posey qui a joué dans la série Teen Wolf, et Violet Bean, c'est un film de Jeff Wardlow, ça sort en Belgique le 13 juin. Donc ouais. Profitez-en si vous voulez aller le voir en avant-première en France. Donc c'est un simple jeu innocent d'action. En avant-première en Belgique. Non, en France. En France. Il est sur les sorties françaises. Ah oui, pardon. Donc oui, non, toi, il y en a à suivre l'émission. Oui. Si vous voulez le voir en France, profitez-en. Parce que ça sort avant la Belgique. Voilà. Oui, oui, voilà. D'accord. Donc, pour les Belges, donc. Oui, oui. Oui. Bah, oui. Donc un simple jeu innocent d'action ou vérité entre amis se transforme en cauchemar sanglant quand quelqu'un ou quelque chose commence à punir ceux qui mentent ou refusent de jouer. Ah, ça va être sympa. Ouais, ça peut être vraiment sympa. Ouais. Moi, j'ai vu la bande-annonce et ça a l'air vraiment bien. Ça a l'air vraiment bien foutu. Et ensuite, bah, je vais repartir avec le dernier gros blockbuster qui s'appelle Rampage Hors de Contrôle. C'est avec Dwayne The Rock Johnson, Naomi Harris et Malin Ackerman. C'est un film de Brad Peyton. Ça sort en Belgique. C'est sorti, pardon, en Belgique depuis le 11 avril. Donc profitez, enfin non, vous pouvez plus en profiter. Profitez qu'il sorte demain pour aller le voir. Quoi. Alors, vous pouvez quand même aller si à la séance, loupé en Belgique. La séance de 22h hein, en Belgique hein, ouais. Pour l'avoir en avant-première. Donc c'est un primatologue de profession qui s'appelle David Okoy qui a plus de mal à nouer des liens avec ses semblables qu'avec les singes. Pas étonnant qu'il se soit pris d'affection pour George. rien à voir avec Georges de la Jungle. Georges est un adorable gorille d'une intelligence hors du commun, dont il s'occupe depuis sa naissance. Mais suite à une expérience génétique catastrophique, Georges se métamorphose en monstre incontrôlable. Il n'est pas le seul, puisque d'autres animaux se transforment en prédateurs enragés aux quatre coins du pays, détruisant tout sur leur passage. Okoy décide alors de travailler d'arrache-pied avec une généticienne pour mettre au point un antidote. Pourront-ils à temps empêcher la planète d'être ravagée? Et ça se passe aux États-Unis encore une fois. Bah, forcément, c'est toujours les problèmes du monde. Moi, d'un doute, c'est pas adapté d'un jeu vidéo. Ben, je me demande. Donkey Kong. Quoi, là, ça doit être ça. Je sais pas. Mais non, franchement, le film a l'air prometteur, en tout cas au niveau des effets spéciaux, comme d'habitude. Puis bon, c'est toujours les Américains qui sauvent le monde. Donc, Évidemment. En même temps, ceux qui font les films, ils vont pas faire des Coréens qui sauvent le monde. Alors, tour de table. Stéphane, tu vas voir quoi? Du coup, je suis pas spécialement emballé. Je suis encore sur les films d'il y a deux mois où je n'ai toujours pas été voir non plus, je pense. Ouais. D'accord. Ok. Peut-être le truc sur les pots d'échappement, là, machin et le roi Midas. Oui, ça. Tad l'explorateur. Carglass. Tad et le secret du roi Midas. On va quand même demander à Oxylane, tiens, tu vas voir quoi? Action ou vérité? Ah bah on ira deux, parce que moi aussi j'aimerais bien aller voir Action et vérité. Ok, bah écoute, on avait dit qu'on se serait passé un Rose Laurence avant la fin de l'émission. Pour lui rendre hommage, évidemment. Donc c'est Mami Yoko qu'on va s'écouter tout de suite. Ça marche, super yaourt d'ailleurs. Des chiens. is Lee John of Imagination. Écoutez. R.L.M. Lee John of Imagination. You're listening to Illusion. R.L.M. R.L.M. c'est toujours aussi bon. Et c'est même meilleur dans 120 au compteur. C'est pour le slogan, évidemment. Oui, évidemment, bien évidemment. Alors RLM, c'est, faut le savoir quand même qu'on aimait 24h sur 24, la musique des années 80 jusqu'à aujourd'hui, avec les matinales, surtout à ne pas louper, hein, de 7h à 10h. Vous avez toutes les infos routes, les infos météo, l'actualité. L'horoscope. L'horoscope, absolument. L'horoscope de Sophie. Avec donc Arnaud Tira. Donc surtout, ne le ratez pas dans tous les matins. Nous, eh bien, on va se quitter, évidemment, puisque bah, il nous reste quelques minutes, le temps de rappeler que bah, on sera là donc la semaine prochaine, bien évidemment, si tout va bien. Sauf si vous êtes viré, c'est ça? Sauf si on est viré. Non, je pense pas quand même. Non, je pense pas. Moi, j'espère pouvoir vous annoncer peut-être d'ici la semaine prochaine, peut-être le démarrage d'une certaine émission qui s'appellera Mixage et qui aura lieu le samedi sur l'antenne de RLM. Ah ouais. De 20h à 22h. Je vous en parle déjà depuis 2 mois. C'est vrai, bah oui. Et pour des raisons techniques, pour l'instant, l'émission n'a pas encore démarré, mais il est probable que ça démarre dans les prochaines semaines, donc ici, courant mai. Donc de toute façon je vous tiendrai informé et puis via la page Facebook de 120 au compteur et puis aussi sur le site officiel de RLM. Absolument. Et ce sera toujours le même slogan, alors mixage, ça déménage. Ça déménage, ouais. Donc ce sera 2 heures de mix non-stop pour bien démarrer le week-end, enfin le samedi soir en tout cas. 20h-22h, juste avant Arnaud Tirard, qu'on retrouve avec Mix Party de 22h à minuit. Ah ouais, ça absolument. Vous fera donc 4 heures de mix donc, non-stop. Si vous voulez un avant-goût, évidemment, rappelons aussi que Stéphane, je vous le retrouverai donc au Lagon Bleu, donc ce samedi soir, le samedi 5 mai, donc dans la petite salle. Dans la salle, le club au Lagon Bleu à Neulémines, donc samedi à partir de 23h. Voilà, donc déjà voilà. Ça vous donnera un avant-goût donc prochaines émissions, donc de l'émission à venir, donc Mix As H, que vous retrouverez donc sur l'antenne de RLM. Sherlock, oui. Merci pour tes sorties sinoches. Mais je vous en prie. Et puis pour le. Tu peux me tutoyer. Hein. Il vous en prie. Et bien sûr, Rétro Ciné avec le film Wayne's World. Merci à Stéphane pour le défi mix. Merci. Ah oui, alors faut que je vous annonce quand même une mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de défi mix en juin. Oh. Pour raison de vacances. Ah, c'est triste. Bah okay. Ouais. Mais on va peut-être tirer les titres tout de suite. tu l'enregistres. Après, on peut peut-être le décaler d'une semaine pour le mois de juin. Ah bah oui, bien sûr. Voilà, on s'arrangera. J'espère bien. Et on remercie aussi également la présence de Mike, hein, qui est venu nous faire un petit coucou. Voilà. Et puis aussi comme toutes les 2 semaines. Voilà. Et Oxylane qui était aussi avec nous. Donc quant à nous, on se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même antenne. Et bien sûr, restez toujours à l'écoute de RLM sur le 107.9. Portez-vous bien. Ciao, ciao, ciao.